planète rap. Pris du démon, hein. Le 2. Ça va arriver dans la nuque. Ah, hey. Je reste cool moi. J'ai qu'à ma pendant si je roule moi. Et moi j'en ai pris des coups moi. Hey. Aujourd'hui c'est mon demain ça ira. Donc on voit la mer en pirate. La vie là va te plomber. Va te plomber. On te dit elle va te plomber. On t'a dit on va te plomber. Aujourd'hui c'est mon demain ça ira. Donc on voit la mer en pirate. La vie là va te plomber. On va te plomber. On t'a dit elle va te plomber. On m'a passé au plomber. Oh ma. Comme un gros tard, moi j'ai fait du chemin comme un motard. Et je n'étais qu'un petit bateau. Des rêves plein la tête, la police m'a raté. Et nous on s'est fait solo. Tout le bif qu'on a fait, on l'a mérité. Et tu le sais, oh mamacita, elle touche ton cœur, ma musica. J'ai quitté le studio la matina. Me demande pas pourquoi je suis jamais là. La vie est courte donc je cours moi. Elle est courte donc je reste cool moi. J'ai qu'elle m'abandonne si je coule moi. Et moi j'en ai pris des coups moi. Aujourd'hui c'est mort demain ça ira. Comme on voit la mer à pire. La vie n'a pas te plomber. Et nous on va te plomber. Quand j'y t'as pas te plomber. Et nous on va te plomber. Aujourd'hui c'est mort demain ça ira. C'est l'ovni qui déboule, ça va faire des dégâts comme un tank. Et tant que je fais du rap, je compte encore choquer des tentes. Ouais, tant pis si tu pompes, mon flow, je le pimpe en décembre. Ça va faire comme dans Hit quand tu rentres à plusieurs dans la banque. Personne voit quand je tombe, je tape, on passe à les vitesses, me nique les pompes. Sauf t'as eu plein force, pas moi qui prêtera la détente si tu manques. Fais le signe, c'est du gang. Cache au lait, c'est sombre. Jette pas l'œil, je tombe en passer avec tes guitares en Mustang. En défait, je me distingue. Comme tout king, machine à tube. Tu bouges jamais moi, team, je suis créatif, beaucoup mature, affirmatif. Cette année, on va faire des dégâts. Va te loco. Exclusif de Planète Rap en t'abonnant maintenant sur la chaîne de Skyrock.